Chapitre 31e. Au coup de sonnette de l'artiste, il avait sonné fort sans s'en douter. La grosse fille arrivait à pieds nus en courant et ouvrit d'un air joyeux. La vue des valises la fit pouffer de rire. Elle courut annoncer à sa maîtresse la visite extraordinaire de ces hommes chargés de paquets. Son récit dut être éloquent, car la maman de la petite Hélène apparut sur le champ suivie de sa fille, dont le visage inquiet s'éclaira en voyant Démiane. « Qu'est-ce qu'il y a ? » dit la mère. « On nous chasse d'ici, » répondit le jeune homme. « La police nous trouve dangereux. »« La police, vous rêvez ?» Démiane raconta en quelques mots l'esclandre de la veille et son résultat fâcheux. Quand il en fut au billet rose, il surprit sur le visage de la petite Hélène un sourire qui l'arrêta court. « Cela ne vous étonne pas ? » dit-il brusquement. « Non, » fit la jeune fille en secouant doucement la tête. « Mais cela ne fait rien. » Il continua son récit et termina par la scène avec l'hôtelier. « Vous allez dîner avec nous, » dit la maman, aussitôt qu'il eut fini de parler. « Et puis nous causons. Mon Dieu, quel malheur !»« Je m'étais figuré que vous alliez peut-être vous fixer ici. Ma fille aurait tant profité avec vous. »« Et moi, » dit le jeune homme avec regret, « je ne retrouverai nulle part un accompagnement comme celui-là. » »« C'était un plaisir de faire de la musique avec elle. » »« Oui, un plaisir tel que je n'avais pas encore éprouvé. » La petite Hélène le regarda furtivement pour le remercier. À l'annonce de ce brusque départ, elle se sentait toute bouleversée, prête à pleurer sans savoir pourquoi. Il lui semblait que la terre manquait sous ses pieds, l'air à ses poumons. La vie devenait une souffrance, et elle ne pouvait s'expliquer la cause de cet étrange malaise. « Où allez-vous ? » dit la maman. « À Nijni. » « Et de là ?»« Je n'en sais rien, peut-être au Caucase. »« Au Caucase ? Si loin ?» Victor regarda son frère avec étonnement. Il n'avait jamais parlé du Caucase. D'où lui venait cette fantaisie subite ? Mais Démiane n'y prit pas garde. « Quel dommage, reprit la maman, que je n'ai pas 10 ans de moins. Je serais parti avec vous. J'adore les voyages. Et la petite Hélène vous aurait aussi bien accompagnée à Nijni qu'ici. « Madame, s'écria Démiane transporté, c'est la Providence qui vous a inspiré cette idée. Partez avec nous. Nous donnerons des concerts excellents et nous gagnerons des masses d'argent. » La maman se mit à rire. La fille avait rougi. « Quelle plaisanterie !» dit la dame avec bonhomie. « Ce n'est pas sérieux. »« C'est très sérieux. Quand vous en aurez assez, vous serez bien libre de vous en retourner. » « Que dirait-on dans la ville ? Que ne disent-ils pas maintenant ? Est-ce que cela vous fait quelque chose ?» La maman hésita un instant. « Qu'en dis-tu, Hélène ? Ce n'est pas sérieux, » fit-elle en se tournant vers sa fille. « J'aimerais bien descendre le Volga, maman, » répondit-elle de sa voix tranquille, mais en détournant la tête. « Oh, madame, venez, » dit Victor, « nous ferons une famille. Ce sera 1000 fois plus charmant, et puis nous aurons aussi l'air plus respectable. » Victor, on le voit, avait des idées à lui sur la respectabilité. Mais ces idées ont peu d'importance en ce qui nous concerne. La dame souriait d'un air indécis. « Madame, je vous en prie, » dit Démiane. Je suis prêt à vous offrir la moitié des recettes. Cela nous dispensera d'avoir recours à ces artistes de rencontre qu'on est obligé de subir dans les villes, et envers lesquels, quoi qu'on fasse, on n'est jamais quitte. « Est-ce que vous ne voulez pas, mademoiselle ? » ajouta-t-il en se tournant vers Hélène. Elle se leva et s'appuya sur le piano. Sa tête se trouvait tout près du bouquet de la veille encore très frais et parfumé. « Je le veux, » répondit-elle fermement d'une voix si claire que tous la regardèrent, surpris de cette netteté. « Allons, alors, » fit la mère avec un soupir. « Vrai ? Tout ce qu'il y a de plus vrai. »« Mais c'est nous qui partons ce soir, » fit remarquer Victor. « Eh bien, nous partions ensemble. Nous ferons ta robe neuve à Nijni, n'est-ce pas, petite ?» Hélène approuva du geste. Elle était redevenue muette depuis l'annonce de sa résolution. « Je vais faire la malle, » dit sa mère. « Viens-tu ? » « Je fais mal les paquets, maman, » dit-elle sur le ton de la prière. « Répétons, mademoiselle, répétons, » dit Démiane avec empressement. « Qui sait quand nous aurons un bon piano pour nous exercer ? Ce sera notre second concert. »« C'est cela, répétez, » dit la maman en disparaissant. Victor, devenu le public à lui tout seul, se carra de son mieux sur une chaise désobligeante et quelques instants après nos musiciens, perdus dans l'ardeur de l'étude, avaient oublié la police, madame la générale et jusqu'à leur départ projeté. Vers minuit, car un bateau qui n'est pas en retard sur le Volga n'est plus un bateau, les quatre voyageurs qui ne s'étaient pas quittés se trouvèrent à bord d'un de ces superbes paquebots si commodément aménagés. Ils trouvèrent de la place dans les salons et s'installèrent sur les divans pour y passer la nuit. Au moment où Demian fermait les yeux, Victor s'approcha de lui et lui dit à l'oreille « Est-ce que tu sais le nom de la maman de la petite Hélène ?»« Non, et toi ?»« Moi non plus, il faudrait le lui demander. » La dame allait et venait encore, faisant l'aménagement de ses nombreux petits paquets. Demian se mit sur ses pieds et s'approcha poliment. « Je vous prie de m'excuser, dit-il, mais je n'ai pas l'honneur de connaître votre nom de famille. » Elle se mit à rire et Hélène, déjà étendue sur le divan, se tourna de son côté pour voir ce qui l'amusait si fort. « C'est curieux, dit la dame. Nous voilà si bons amis, nous voyageons ensemble, nous sommes liés pour quelque temps au moins, et vous ne savez pas mon nom. Comment m'appeliez-vous donc entre vous ? » Victor sourit. « La maman de la petite Hélène, dit-il. « Entends-tu, petite ?» Hélène sourit aussi, et son sourire se distinguait sur son doux visage malgré la lueur incertaine de la bougie qui éclairait très mal le salon désert qu'ils occupaient seuls. « Je me nomme Madame Mianoff, dit la maman en s'allongeant à son tour. « Bonsoir, mes chers amis. Bonne nuit sur le Volga, et que Dieu protège notre voyage. »« Amen, » répondirent les trois jeunes gens avec cette effusion de sentiments religieux qu'on retrouve partout en Russie.